L'écolier de Vilvorde. Il y avait un joli petit écolier de Vilvorde, fin comme une fillette, aux traits doux et bien sage. Il s'en venait par le chemin de fer tous les matins à l'école Saint-Louis et s'en retournait à la Brune. Dans sa poche, recouvert d'un étui de soie, il tenait son abonnement de première classe. Rien qu'au modèle de son col à dentelle tombant sur ses épaules, et bien plus sûrement encore, à la vue de sa lavalière bleue à pois blancs, on savait que sa maison, dans la petite ville, était précédée d'une grille à grosses sonnettes et d'un parterre de géranium rouge rehaussé d'une boule de verre argenté, et aussi que sa sœur écrivait pour lui ses devoirs les plus difficiles. Et voilà. Et il monte aujourd'hui encore dans le train. Il s'assied bien doucement dans un coin du compartiment, occupé à l'autre bout par un herculéen roux et rose anglais, un de ceux-là pour qui l'univers entier n'est qu'une selle pour leur séant. Or, l'anglais, une loupe à la main, suit le texte menu et serré d'un journal de son terroir, où il semble qu'on ait économisé jusqu'à la place du titre pour mettre plus de nouvelles. Mais il n'en passe rien, ne lève pas les yeux. Le train se met en marche sans qu'il ait paru s'apercevoir de la présence du garçonnet. Et le petit écolier de Vilvorde, si bien élevé, si joliment habillé, bientôt n'est plus ici qu'un menu moucheron, une bestiole voltigeant dans un ray de soleil. Il y a longtemps qu'il a laissé tomber les deux ou trois menus pensées qui trottinaient dans son cerveau. Les raies vertes des champs, les plaques blanches des murs, passent aux portières, comme des rubans où son esprit ne peut plus fixer d'images précises. Il s'endort, mais par une fente fine tout au plus comme un cheveu, et à laquelle l'écolier ne pensait pas, voilà qu'il sort un bruit mince, qui hésite d'abord, puis s'élève, s'étire, et s'ouvre dans l'air comme une bulle qui crève. Oh ! Il s'éveille, bondissant ainsi qu'on sort d'un rêve terrible. Anxieux, rouge de honte, il fixe sur le voyageur, au fond de la voiture, des yeux qui implorent l'autorisation de se cacher sous les banquettes. Mais non, l'anglais, c'est certain, n'a rien entendu. Son journal dans ses mains n'a pas bronché. L'enfant se rassure. Son âme se retasse comme la poussière sur la route quand le vent a passé. Mais le vent... Et sans que l'on pût assurer que l'écolier ait fait un mouvement, il a atteint le cuir d'une portière. Sans un geste qu'on pût distinguer, il a descendu le carreau. Joie ! L'air pur et frais du dehors lui saute au visage, comme l'eau d'une pomme d'arrosoir. L'écolier joli de Vilvorde, à ce moment, c'est un moineau, le bec levé, qui se gargarise à la fontaine, s'épouille et bat des ailes sur le sable. Aussi délicieusement que sous les frictions d'un crayon anti-migraine, il sent ses joues se refroidir. Une minute bien heureuse, et déjà c'est l'innocence. Le méfait qui l'éveilla est oublié. Mais une voix mugit à ses oreilles. Une main énorme, poilue et tavelée, s'abat sur son épaule, l'assied, l'écrase tout d'un côté, l'enfonce dans les coussins. Deux mots. Sentir avec. Et l'anglais, armé de sa loupe, d'un œil unique, a déjà repris son papier au texte épais et grenu comme une bouillie de semoule. À vilain, chardonnay d'âne.